On s'en va à Calgary rejoindre de notre collaborateur pour la première pour le camp d'entraînement des Stampeders, Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada Calgary. Salut Marc-Éric. Bonjour Danny. Marc-Éric, hier, tu as eu une belle conversation hier avec Dave Dickinson, puis c'est encourageant pour notre gars de Boom Sassini. Très encourageant, Danny, parce que évidemment, quand tu parles à l'entraîneur, parfois c'est la cassette, le cliché. Mais j'ai attendu qu'il donne tous ses commentaires aux médias anglophones. Et là, j'ai dit, est-ce que vous avez deux minutes pour moi? Il dit, pas de problème. Et là, j'ai dit, je veux qu'on parle du dossier de Alex Gagnon. Et là, Dave Dickinson me dit des choses très, très bonnes. Mm-hmm. Premièrement, il m'a dit qu'il était impressionné comment qu'il avait levé son attitude et son jeu d'un cran par rapport à l'an passé. Okay. Il dit que ça, c'était vraiment extrêmement marquant. Il a montré de très belles choses dans la défaite contre les Lions. Et ce qui est remarquable dans le cas de Alex Gagnon, c'est que cette année, il n'y a pas de plan B. Okay, ouais. Il ne retourne pas à l'université parce qu'il a fait ses 5 années avec l'Université de Sherbrooke. Et là, il dit que quand c'est le temps, Alex Gagnon est capable, avec son talent, de monter son niveau de jeu d'un cran. Okay. Et c'est ça qu'on s'attend de lui vendredi face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Ça, c'est encore un très bon élément. Et aussi, il a affirmé, Dave Dickinson, que Alexandre Gagnon a écouté un peu les recommandations de l'équipe l'an passé, disant que ce serait bon de mettre un peu plus de poids. Il est très grand, mais on voulait qu'il soit un peu plus élargi. Et okay. Il a pris près de 25 livres de plus. Et ça, évidemment, c'est un atout pour Alex Gagnon. Et lui, personnellement aussi, je l'ai rencontré après, souriant, confiant. Il a bien aimé qu'est-ce qu'il a montré contre les Lions. Et il espère avoir encore plus de temps de jeu vendredi et de montrer encore plus d'éléments pour, évidemment, donner à Dave Dickinson le fait de ne pas avoir le choix de l'embaucher peut-être comme partant. Ben oui, peut-être. En raison des blessures des autres et tout ça. Là, c'est vraiment une bonne augure pour... Parce que ce que tu me disais aussi, c'est que le partant est blessé, donc ce qui va lui donner une chance. Il y a toutes les chances voulues, là. Oui, bien, c'est ça. C'est que déjà, avec évidemment là, sa grande portée, ouais. Il est très efficace et il comprend très bien les jeux sur les unités spéciales. Okay. Mais comme évidemment demi-défensif, celui qui est le partant, le Canadien partant, il est blessé de 4 à 6 semaines. Okay. Et ça donne une excellente chance à Alexandre Gagnon de se faire valoir, d'éviter les blessures et de montrer à Dickinson que le partant est blessé. Mm. Mais Alexandre Gagnon est capable de prendre le relève facilement et d'être aussi dominant que l'autre athlète dans des situations de jeu en défense. OK. Donc, c'est vraiment de bon augure pour Alexandre. Est-ce que tu sais s'il va jouer actuellement, c'est vendredi contre la Saskatchewan? Oui. Oui. Ben lui, il dit qu'il s'attend à ce qu'il aura plus de temps de jeu. Et dernière question que j'ai posée à Dave Dickinson, entraîneur-chef des Stampeders de Calgary, il m'a dit que il va avoir encore plus de situations de jeu pour évaluer davantage dans des situations précises Alexandre Gagnon, non seulement sur les unités spéciales, mais comme demi-défensif. Et ça, c'est contre, évidemment, les Riders dans leur stade à Regina. Oh, c'est pas facile. C'est la Riders Nation. C'est pas facile parce que c'est un stade très, très, très impressionnant pour les jeunes joueurs à Regina. On s'attend vraiment à beaucoup de bonnes choses de la part des Stampeders. En plus, les Stampeders ont perdu. Ils vont vouloir au moins gagner un match sur deux, un match sur concours. Même chose pour les Riders qui avaient perdu leur premier match contre les Eskimos d'Edmonton. Sa promesse, même si c'est un match au concours, et on sait que ces deux équipes-là ne s'aiment pas. Chris Jones était entraîneur avec les Eskimos. Il a déjà été adjoint à Calgary. Calgary, c'est pas vraiment dans son cœur. Et ce sera peut-être une belle rivalité entre Dave Dickinson et Chris Jones, entre les deux entraîneurs, vendredi pour ce match au concours. Pas de problème, toujours à votre service, mon cher, et passez une excellente journée.